Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, c'était Devin Townsend et ce morceau Celestial Signals pour démarrer l'émission. Ce soir, j'aurai le groupe Chest Town, du côté de Radio Dio dans les studios avec moi pour participer à l'émission. On nous présentait également la sortie de leurs premiers trois titres. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut faire un petit test rapide de micro, se présenter? J'ai la chance d'avoir l'intégralité du groupe en présence avec moi. Comment ça va les gars? Ça va super, merci. Ça va super. Très bien, merci. Ok, est-ce que chacun peut peut-être se présenter rapidement et dire quel est son poste dans Chest Town? Moi je suis Malo, du coup je suis le chanteur et aussi claviériste sur certains morceaux. Moi je suis Loïc, je suis le bassiste de Chest Town. Ok. Moi, je suis Damien, je suis le batteur et le co-compositeur de Chest Town. Ok, donc un batteur qui écrit, qui sait écrire. Ça arrive. Et moi, c'est Valentine, je suis la guitariste et la deuxième compositrice. Ok, donc comment est-ce que vous présenteriez le son que vous faites à quelqu'un qui n'aurait jamais entendu Chest Town? Il y a pas mal de nos influences dedans, on a essayé de mettre un peu de metal prog. Un peu de black aussi, notamment au niveau du chant et des riffs de guitare. En gros, on s'est auto-baptisé néo-prog metal, sans savoir vraiment quelle étiquette donner. On s'est dit que celle-là pouvait convenir. Ok, et depuis combien de temps est-ce que vous êtes formés? Depuis quand est-ce que vous jouez ensemble? Est-ce que vous connaissez depuis longtemps? Également, comment ça a démarré, en fait, Chest Town? Ça a démarré, on va dire, en 2021. 2022. En 2022, on a eu la configuration qu'on a actuellement, donc tous les quatre. Et depuis, on a fait pas mal de concerts. C'est ça. Et c'est vrai qu'à la base, c'était un groupe instrumental. Mmh. C'était votre volonté. Et puis c'est vrai que Malo nous a rejoint au chant ensuite, par la suite, puis le chant est arrivé petit à petit dans les compositions. Ok, peut-être une volonté un petit peu de proposer un propos musical qui soit assez développé. Hein. Si on part de l'instrumental, il faut qu'il y ait quand même des choses un petit peu pour meubler la musique, on va dire. Donc j'imagine que le côté prog, il vient de là. Ah oui, complètement. Le chant a quand même apporté pas mal de solutions sur certains morceaux, mais on a encore gardé des morceaux en concert qui sont complètement instru, dans lesquels Malo prend le clavier. Ok, on va démarrer un petit peu avec un peu de musique. On laisse Chest Town pour un peu plus tard, pour révéler la sortie. C'est peut-être la première fois même que vous pourrez écouter ces morceaux, puisqu'il me semble que ça sort demain, votre release party. Oui, c'est ça, exactement. On a une release party demain à La Zone, qui est une salle... associatif à Saint-Etienne. Anciennement le Goodies, pour ceux qui connaîtraient. Ouais. Anciennement le Goodies, exactement, ouais, voilà, côté de la gueule noire. Ok, donc avant de lancer Chest Town, on peut s'envoyer un petit peu de Heavy Doomy avec le groupe Candlemass qui nous a sorti un nouvel EP, ça s'appelle Black Star, toujours bon, hein, Candlemass. Et puis on apprécie également le fait que le premier chanteur du groupe soit de retour. I've got a reason to live. Your fatal beauty, your sun is touching my soul. My saddened eyes, I try to draw down your light. Once again, but you are slipping away. A celebration. Am I asking too much? Not Over, Candlemass, Candlemass, tout de suite avec ce morceau Black Star qui ramène un peu aux premiers EP du groupe, notamment certains Epicus Domicus, Metal Icus. Voilà, donc on va revenir un peu plus en détail à Chestertown. Ils seront du côté de la zone demain soir, on sera le 10 mai pour la release party de leur premier EP. Trois titres, donc on peut revenir un petit peu sur l'enregistrement, comment est-ce que ça s'est passé, le choix également du format, trois titres, est-ce que c'était justement pour développer un petit peu le groupe avant de se lancer dans quelque chose de plus gros. Je sais que c'est quelque chose d'important d'avoir on va dire un certain trépied. Donc comment ça s'est fait ce projet d'enregistrement? Eh ben, l'enregistrement a déjà été fait en home studio. On a tout fait nous-mêmes. On a tout autoproduit, on s'est débrouillé un peu de partout. Ensuite, on a fait un EP de trois titres. Alors en fait, on a déjà d'autres compositions, mais on voulait déjà commencer par un petit projet de trois titres pour voir un peu ce qu'il en était. Et pour se présenter un petit peu, arriver avec trois morceaux avant de faire un album qui sera un peu plus ambitieux, qui prendrait plus de temps. C'est ça. Voilà, et puis peut-être également de faire tourner un petit peu le nom du groupe, essayer de se faire connaître, développer, on dirait, la fanbase de nos jours. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que, voilà, on sait tous qu'il y a quand même de nombreux groupes de nos jours. La scène est assez chargée, donc c'est quand même assez compliqué de sortir un petit peu du lot. Et puis on sait que malgré tout la musique est consommée, même si j'aime pas trop ce terme, de manière assez rapide de nos jours. Un album, c'est quand même beaucoup d'investissement, c'est du temps, c'est parfois même de l'argent qui est investi, du matériel, voilà. Et d'avoir un album de 10 titres, si tu veux, qui sort un petit peu de nulle part, il y a une chance que la 9e ou la 10e piste, elle passe un petit peu à la trappe et que personne ne l'écoute. Donc je pense que là, vous avez quand même choisi, on va dire, la meilleure solution, en tout cas dans un premier temps, pour faire connaître le groupe, voilà, avec un 3 titres qui reste, malgré tout, un bon moyen également de proposer les différentes facettes du groupe. Oui, c'est ça, exactement. Et puis... Tu fais bien d'en parler, par exemple, par rapport à la scène qui est chargée, puis aussi c'est une musique, en tout cas, qui est de niche, pas tout public. Donc c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup misé sur la communication, sur les réseaux sociaux, faire beaucoup de contenu aussi pour proposer aussi, pas forcément, en tout cas, notre musique, pour la défendre. On a aussi tout cet aspect communication sur les réseaux sociaux qu'on a pas mal développé en amont, justement, de l'EP. Donc c'est vrai que ça, c'était aussi un travail assez important de montage vidéo, pour trouver des concepts, etc. Donc, et ouais, je pense que c'est malgré tout, même si on n'est pas adepte, on va dire, ou youtubeur ou autre chose comme ça, on est obligé maintenant d'y venir si on veut proposer de la musique et sortir du lot. Donc là, on pourra peut-être en reparler, puisque là, tu me parles de quelque chose d'assez intéressant, puisque ça mène bien sûr sur les clips vidéo qui sont là aussi assez, on va dire, obligatoires de nos jours. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place sur ce premier EP? Eh ben oui, justement, on a un clip qui est en préparation et qui sortira pour un des titres. Voilà, on va pas le dire encore. Le clip sortira ce mois-ci sur notre chaîne YouTube. Ok. Tout a été filmé, commenté. C'est ça, tout a été filmé. Et aussi, on a, pour tout préparer en amont, ne pas sortir forcément que le projet, on a aussi fait des playthroughs avec guitare-basse. On a aussi réalisé des live sessions qu'on va poster justement après la sortie de l'EP, qui permet en fait d'alimenter le contenu tout en pour que aussi les gens écoutent les sons, mais d'une différente manière. Ok, donc bien entendu, tout ça c'est du digital, mais vous avez quand même fait presser quelques disques. C'est pour la vente, pour la promo, comment est-ce que ça marche? Oui, on tenait quand même à avoir du contenu palpable, surtout avec Damien. Nous, on est très adeptes de CD, de vinyle, on est encore des gens qui achetons. Et on s'est dit que pour les personnes qui voulaient avoir un disque concret, c'était une bonne chose d'en faire. Donc effectivement, on va les vendre en concert. Voilà, on en aura toujours avec nous. On a un petit peu de merch aussi, des t-shirts, des petites choses comme ça. Puis c'est vrai que le derrière n'apparaît pas sur après les plateformes, tout ça. Donc en plus, le derrière de l'album est assez unique. Il est disponible que sur la version physique. C'est vrai. C'est vrai, on n'a pas tout quand... voilà, et puis, bien entendu, c'est sûr que quand on veut démarcher, c'est toujours mieux, à mon sens, parfois, d'aller voir des gens et de donner quelque chose de concret plutôt que d'envoyer un email ou un lien. Ça peut faciliter un petit peu les choses. Si on reçoit voilà, des gens qui organisent des concerts, des salles de concerts, des organisateurs... Ils ont des boîtes mail en général qui sont bien chargées. Mmh. Et voilà, avoir quelque chose de concret, ça peut faciliter, on va dire, la prise de contact. On peut revenir là et bien sûr diffuser un premier titre de Chestown pour ce soir. Donc le morceau qui ouvre le disque, donc Blood Roots, je vous laisse le présenter puisque je pense que vous le connaissez mieux que moi. Alors c'est un morceau qu'on a écrit assez récemment, en fait c'est le dernier écrit paradoxalement, et il nous a permis de lancer notre EP, et il a moins d'un an. Il est assez, je sais pas comment dire, il reprend un peu tout ce qu'on aime, il est dynamique d'entrée, voilà, on a décidé de mettre un morceau qui rentre dedans dès le début. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas écouté, on va dire, Chestown, est-ce que tu penses qu'il est représentatif de ce que fait le groupe au global ? Oui, je pense que oui. Même si des fois on fait des choses un peu plus épurées, là c'est vraiment du début à la fin, c'est... Oui, et puis même je trouve que ce morceau donne une perspective, en tout cas d'avenir, sur les compositions de Chestown, comme évidemment c'est la dernière composition, c'est ce qui montre un peu aussi la suite. D'accord. Mais après il y a aussi beaucoup d'autres compositions qu'on n'a pas encore enregistrées. Pour les sortir dans un autre projet. Ok, bon, ben ça, on va envoyer tout de suite Chestown dans les studios de Radio Duo ce soir pour nous présenter Blood Roots, il faudrait dire. extrait de ce premier EP, 3 titres. Ce sera en concert demain soir du côté de la Cale Saint-Étienne. À la zone. La zone. Ouais, la zone Saint-Étienne en compagnie de Bender, oui, qui viennent de Roanne et qui ont là aussi une certaine histoire. Alors c'est, justement, c'est un piège. Il y a deux groupes qui s'appellent Bender différents. C'est pas le Bender de Roanne. Ah, c'est pas le Bender là, de Roanne. On sera accompagné d'un groupe de psych punk du coup. D'accord. De Marseille. Qui viennent de Marseille, ouais, et okay. Qui sont aussi de Release Party d'ailleurs. D'accord. Donc ce sera une sacrée fiesta. Voilà, c'est tout ça. Tout à fait. Double release. Ok, bah c'est parti tout de suite par Chestown. There was an apple tree behind a gate of steam. I entered the field, I'm not sure, is still a dream. You know, you levitate under the blood red fruits. Smiling at me in a field of blood roots. Tears like pearls around my neck. I smell the apple scene. Feeling my blood pulsating under my skin. I lay down under the tree, bearing blood red fruits, smiling at you in a field of blood roots. We'll be right back. Chestown du côté de la zone. Demain soir, ce sera le samedi 10 mai en compagnie de Bender de Marseille pour une double release partie Chestown Blood Roots que vous venez, d'entendre tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Donc on a le groupe dans les studios qui nous présente ce premier EP qu'ils joueront sur scène en intégralité, j'imagine, puisque il y a trois titres et également d'autres surprises. Donc comment on en discutait un petit peu hors antenne, vous avez fait le choix, si vous voulez, de l'aspect un petit peu organique de l'enregistrement par rapport à une tendance qui se fait beaucoup à l'heure actuelle, c'est, on va dire, le côté peut-être un peu plus facile, ne serait-ce, mais d'avoir quelque chose de très programmé. Mais ici, on a pas vraiment un son typique de ce qui sort des nouveaux groupes, hein, même des groupes récents et jeunes, on va dire, de métal actuel. Et est-ce que vous pensez que c'est, on va dire, une part de votre identité qui est là ? Ah bah ça oui, carrément. Ça déjà, c'est quelque chose qui restera. Moi, je tiens absolument à enregistrer ma batterie déjà et à ne pas trafiquer le son qui en sort. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est trigger, enfin, ajout de son électronique ou de choses comme ça, on va éviter le plus possible. Le but, c'est de garder vraiment un son acoustique et naturel. C'est ça, une énergie brute de la batterie. Voilà. Et puis au final, dans l'ensemble, garder quelque chose d'assez, d'assez vivant. C'est pas une musique qu'on va... comment dire, le but, c'est pas que ce soit mathématique, que ce soit parfaitement juste tout le temps, mais juste que ce soit humain. Que ça se rapproche aussi un peu de ce que les gens vont entendre en concert, finalement. Ça, c'est vraiment le problème de nos jours. Après, bien entendu, il y en a qui trichent également en concert. Hein, quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui jouent beaucoup avec des bandes, on ne sait plus vraiment ce qu'on entend en direct, ce qui est joué en direct et ce qui est joué par des bandes. On a un peu l'impression d'écouter parfois un CD. Alors bien sûr, il y a certains groupes qui sont obligés, étant donné que il y a beaucoup d'orchestration et puis ils peuvent pas se balader avec un orchestre symphonique à chaque fois qu'ils jouent à droite à gauche. Néanmoins, parfois, on peut perdre un petit peu en spontanéité quand c'est comme ça. Oui, c'est ça exactement. Et puis en plus, on a un groupe qui a commencé essentiellement par le live, donc le live concert. Sans avec trop de matériel très très qualitatif en tout cas. Donc en fait on a déjà fait plus d'une trentaine de lives avant de se dire bon on sort un projet, on va faire quelque chose. Mais voilà, donc c'est vrai que peut-être que ça nous a aidé à avoir un son, ce son qu'on veut un peu plus humain dans le projet. Ouais. Du coup, si on revient un petit peu sur les projets de concerts, pas mal, 30 concerts depuis, on va dire, 2022, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est quand même une bonne moyenne, ça fait au moins une dizaine par an. Où est-ce que vous allez les pêcher? Parce que maintenant, c'est vrai que dans la ville, sur Saint-Étienne, c'est quand même difficile de se produire. Oui, bah alors bah déjà il y a un endroit que je pense on pense à cet endroit tous, c'est le Soggy Bottom, qui est un bar en fait à Saint-Étienne, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait à la base il y a pas trop de concerts de métal en tout cas. Il y a pas trop de concerts de métal, mais en fait l'année dernière on faisait un concert par mois là-bas. D'accord. En faisant on faisait aussi des reprises pour que ça plaise un peu à tout le monde et que si ça attire du monde qu'on fasse pas que notre musique à nous. Et en fait depuis cette année il y a des jams qui sont organisés tous les mois, une fois par mois, et c'est nous qui ouvrons et qui fermons la jam. Donc ça peut être avec des compos, avec des reprises, des improvisations. Donc il y a déjà cet endroit là on a pas mal joué, mais on a joué à beaucoup d'autres endroits sur la scène stéphanoise. Je pense notamment au PAX, au Phil, aussi des lieux qui sont pas très loin comme l'Officine. Ah oui. Le Ninkasi à Lyon. Oui, Dargoire, exactement, c'est ça. Tout à fait. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres... L'Over 18 aussi. L'Over 18 Motors. Ouais. Puis on avait joué aussi au 109 à Montluçon, histoire de s'exporter un peu plus loin. Ah oui, d'accord. Et on a fait aussi une date au Ninkasi de Gerland. À l'époque, quand il existait. Quand il existait encore. C'est ça. Ah oui. Ok, c'est vrai que ça a fermé maintenant depuis quand? Depuis 2 ans? Ouais, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok, bah en tout cas, chapeau, et puis c'est quand même pas facile de trouver des plans ronds, de se produire, là aussi la concurrence est rude, on pourrait dire. Néanmoins, en tout cas, c'est vraiment important, à mon sens, d'arriver, même s'il y a beaucoup de choses qui passent par les réseaux, d'arriver à construire un petit peu du lien en concert, c'est ce qui marque, à mon sens, toujours le plus. On va diffuser un nouvel extrait maintenant, non pas de ce qui sera joué demain du côté de la zone à Saint-Étienne, mais ce sera du côté de Ambierle. Donc on est, pour ceux qui ne connaissent pas, assez proche de Roanne. On doit être à environ une petite vingtaine de minutes de Roanne lorsqu'on est à Ambierle, peut-être moins. Pour la Myocastor Party, il s'agira d'un concert avec une belle affiche métal. On aura Heart Attack Genocide, qu'on avait déjà eu dans les studios de la radio, Obsessed, Shotgun Logic et Camisole K. Donc là, une superbe affiche, hein, vraiment de quoi passer une excellente soirée. Et on va diffuser un extrait de la programmation ce soir. Il s'agira du groupe Shotgun Logic, qui devrait ravir, à mon sens, les amoureux de thrash metal assez rapide. Yes, voilà pour le groupe Shotgun Logic. Ce sera à la Mucaster Party à côté, du côté d'Ambierle, et ce sera le samedi 17 mai prochain en compagnie de Heart Attack, Genocide, Obsessed ainsi que Camisole Cake. On diffusera un petit peu plus tard ce soir. Voilà, vous, on a discuté un petit peu de, des choses qui ont pu vous influencer. En vous demandant d'apporter un petit peu des disques qui vous ont marqué, vous avez fait le choix de Behemoth et de l'album I Loved You at Your Darkest. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous dans le groupe a choisi Behemoth. Bah, c'est Damien et moi. Malo aussi, t'aimes bien, je crois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous influence, peut-être dans le son, dans l'esthétique, etc. Le côté peut-être un peu plus, on va dire, extrême de ce que vous faites? Oui, en tout cas, pour ma part, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le black metal. Alors, c'est pas forcément... Je crois pas que ça se ressente vraiment dans les compos. Mais pour le côté chant saturé, par exemple, souvent, on aime bien quand Malo se rapproche un peu de cet esprit-là. Puis même, même sur certains riffs de guitare aussi, sur certains morceaux, il y a quand même des riffs très black metal par moment. Mais même si ça fait pas l'essence principale du groupe, c'est quand même quelque chose qui nous influence pas mal, je trouve. Ok, est-ce que vous avez pu écouter le dernier album qui est sorti aujourd'hui? Eh ben, on n'a pas eu le temps. On aimerait bien, non, on ne l'a pas fait. On le fera demain, je pense. Ouais, t'es bien occupé aujourd'hui. Je vous ferai peut-être un peu plus tard dans la soirée, si on a le temps. En tout cas, un Behemoth récent, un Behemoth un peu plus mélodique sur celui-là, mais qui reste encore une fois une bonne production avec le morceau Ecclesia Catholica Diabolica. We'll be right back. Yes, voilà pour Behemoth avec son avant-dernier album. Et puis comme aujourd'hui, ils sortent leur tout dernier sur Nuclear Blast, le Shit of God. Je me suis dit que ce serait quand même dommage, vous qui appréciez ça, que vous ratiez un petit peu votre soirée puisque vous ratez la sortie de l'album. Donc on va en diffuser un titre ce soir avec le morceau qui ouvre l'album. Ce sera The Shadow Elite. Vous l'avez déjà écouté celui-là ? Non. Eh ben écoute, on en discute juste après. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio. We'll be right back. Yes. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Beam Off nouveau? C'est vraiment cool. Ouais, ah, juste ça. Ils ont annoncé un petit peu que c'était leur plus extrême depuis longtemps. Alors, celui d'avant, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, Opus Contra Naturam, c'est vrai que je l'avais pas super beaucoup écouté. Il était quand même plus extrême que celui qu'on a diffusé un petit peu ce soir, que j'aime d'ailleurs bien. Là, il me semble que ouais, on revient au son un petit peu à la. Alors, je sais pas si ça va jusqu'aux albums comme Télémacis ou alors Demigod qui sont. Les albums des débuts des années 2000, j'ai commencé à écouter ce qu'ils faisaient. Néanmoins, là, on est un petit peu revenu à quelque chose de plus extrême. Après, à voir sur la durée de l'album ce que ça donne. On peut revenir maintenant à Chestown, si ça vous va. Totalement, oui. Ouais, donc avec un deuxième extrait de cet EP, trois titres. On rappelle que le groupe sera du côté de la zone à Saint-Étienne en compagnie de Bender demain soir. Ici, un deuxième extrait avec le morceau Seven. Par rapport à Blood Roots qu'on a écouté un peu plus tôt, comment est-ce qu'il se définirait ce morceau? Un peu dans la même lignée pour les riffs principaux, mais on a un refrain très lourd, presque orienté doom, si je me trompe pas. Ouais, totalement. Ouais. Ouais, carrément. Totalement. Ouais. Et celui-là, il est en si, il est sur la 7 cordes en fait. D'où le titre. C'est le seul morceau de l'EP qui est joué sur la 7 cordes. D'accord. Donc vous changez de guitare pour ce morceau-là. Et ouais. C'est ça. Ça dépend des morceaux et oui. C'est bon. Sinon, il faut tout jouer avec une 7 cordes, mais on n'utilise que 6. Ouais, non, c'est trop gros le manche. Il fait mal aux doigts. Eh ben, je sais pas si ça vous va. On peut envoyer ça tout de suite. Chestown avec le morceau 7. We'll be right back. seront du côté de la zone demain soir à Saint-Étienne. Ce sera le vendredi 10 mai. Ce sera Chestown Glizay, du côté des studios de Radio Dio. Et une autre annonce concert, il s'agira du Myocastor, de la Myocastor Party. Ça a lieu du côté d'Ambière, dans la région rouennaise. Ce sera le samedi 17 mai prochain. On retrouvera Shotgun Logic, qu'on avait diffusé un peu plus tôt. On retrouvera également Heart Attack, Genocide, Obsessed, ainsi que le groupe Camisole K, qui nous viennent de Lyon et qui nous joue du metalcore, et qu'on envoie tout de suite. Et incisif que ce Casimald Cake. Vous retrouverez du côté de Rambierl le samedi 17 mai prochain. Un choix que vous avez fait également sur la programmation ce soir, ce sera Devin Townsend avec son live au Royal Albert Hall de Londres et son spectacle Ziltoid, qui était sorti il y a une petite, un peu plus de 10 ans, il me semble maintenant. Avec le morceau Dead Head, qui est maintenant un de ses classiques, qu'il interprète très souvent sur scène. D'ailleurs, il a annoncé récemment qu'il mettait un petit peu de l'eau dans son vin en ralentissant le rythme de ses tournées. Hein. Il a quand même été, ces dernières années, assez actif. Donc, Devin Townsend, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve un petit peu dans vos influences Alors, peut-être pas directement, on va dire, dans le style, parce que c'est difficile, on va dire, à imiter. Il a quand même un univers qui lui est bien particulier. Mais qu'est-ce qu'il en est ? Ben, pour le coup, c'est moi qui suis vraiment un grand fan de Devin. Et je pense que la manière dont on écrit les morceaux, en tout cas, moi, les idées qui me viennent en tête, je pense que c'est très lié à ce que va faire Devin parce que, comment dire, c'est une ambiance qui me parle. C'est une ambiance qui me parle beaucoup et j'aimerais réussir à avoir une ambiance, je dirais pas similaire, mais appropriée, on va dire, dans les morceaux. Enfin, voilà. L'idée, c'est que les morceaux soient vraiment avec une ambiance particulière à chaque fois. Un peu comme lui va faire. J'imagine que lui aussi, voilà, ça passe par un son qui est un aspect mise en son soundscape presque, avec beaucoup d'écho, beaucoup de couches successives, etc., qui viennent participer à cette ambiance. Donc ce qu'il fait, c'est quelque chose, même à travers tous les projets qu'il a eus, c'est vraiment été une constance, c'est cette couche sonore qui est assez épaisse et qui peut être parfois un petit peu, on va dire, brutale et partir dans tous les sens, comme elle peut être très, très éthérée également. Et ça, c'est justement quelque chose qu'on va peut-être un peu expérimenter avec le deuxième EP. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans les morceaux qui sortiront du coup à l'avenir, parce qu'on s'oriente encore plus vers quelque chose de prog. Ouais. Et du coup, avec beaucoup de nappes de son, beaucoup de claviers aussi sur quelques morceaux. Des notes un peu planantes aussi. Une harmonie un peu plus riche aussi. D'accord. Ouais, et puis j'imagine que le clavier, ça peut également vous ouvrir pas mal de portes, hein, parce que lorsqu'on a une seule guitare, la difficulté c'est de meubler un petit peu l'espace sonore. Oui, c'est ça, totalement. Et puis aussi, il y a un aspect scénique aussi intéressant, ouais. Parce que Malo, toi, comment ça s'appelle, c'est un... Alors du coup, moi, en fait, au tout début de Chestound, quand j'avais des parties de clavier, et bah, le problème, c'est qu'un clavier, ça coupe du public, et du coup, je jouais au fond, même quand je chantais, que du coup, j'avais des parties lead. Du coup, ça me cassait un peu du public, et du coup, j'ai investi dans une guitare, ce qui me permet de bouger tout en jouant du clavier, ce qui est quand même vachement pratique. Ouais, ouais. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas souvent dans le métal, et du coup je trouvais ça marrant peut-être d'ajouter un petit peu dans le côté un petit peu power metal. On en voyait peut-être moins ces dernières années, mais des groupes comme Sonata Arctica ou des choses comme ça, je les voyais bien se balader avec le guitare en main, ce qui donne un côté scénique assez sympa. Ouais, ça peut, c'est vrai. Ouais. On s'envoie ça tout de suite avec Devin Townsend maintenant. We'll be right back. voilà pour Devin Townsend, Deadhead Live sur la scène du Royal Albert Hall. Tout de suite, on continue maintenant avec le groupe français Achiavel qui nous vient du sud de la France et qui nous sort son dernier album Lights for Life sur, enfin plutôt son album Invictus sur Vericord, et ce sera le morceau Lights for Life. Tell me, please. Move this, move this, move this. Voilà pour le groupe Lights, le groupe Akiavel avec le morceau Lights for Life, extrait de leur dernier album. Voilà, on va passer maintenant à un autre groupe que vous avez choisi de diffuser, assez différent de ce dont on avait diffusé, qu'on a choisi un petit peu plus tôt dans la soirée, avec NC Ferrum pour un côté un petit peu un peu plus festif, un peu plus pagan viking comme on appelle ça de nos jours. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous influencer dans ce que vous faites avec Chesstown? Je pense pas, parce qu'on a des goûts assez différents dans le groupe. Loïc et Malo sont pas trop adeptes de ce style. Nous, avec Damien, on aime bien le côté un peu joyeux, un peu folk aussi, avec les sonorités un peu traditionnelles. Mais je suis pas sûr que ça s'entende dans nos morceaux. Non, je pense pas, en réalité. En tout cas, Ansi Ferrum avec un album relativement récent, Thalassic, le morceau Andromeda, qu'on va diffuser tout de suite dans Overdrive. Oh! Yes, c'était NC Ferrum tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce morceau Andromeda, qui serait cet album classique. Voilà, on va tout doucement commencer à annoncer la fin de l'émission, non sans écouter un dernier extrait et dernier morceau de cet album Blood Roots par Chestown, avec ce morceau Pagan War, qui est peut-être le plus long que vous avez enregistré pour cette EP, 3 titres. Là aussi un côté un petit peu progressif avec l'intro un peu calme, ainsi que on va dire le développement qui peut se faire ensuite. Oui, c'est ça exactement. Bah, en tout cas, Valentine, Damien, c'est ce que vous avez composé à la base. Oui, en fait, c'est un peu une patte qu'on retrouve dans certains de nos morceaux, cette intro calme qui part sur un riff, parfois avec une place pour le chant clair au début. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'à la base, ce morceau, quand vous m'avez rencontré en tant que bassiste, il était écrit sans voix. Oui, il était instrumental. C'était pas le mieux qu'on ait fait. Mais justement, il y a une anecdote marrante à ce sujet. Malo. Justement, oui. Ah oui. Quand on a rencontré Malo, quoi. Oui, c'est bah ça. En fait... Oui, ok, d'accord, je vois où tu veux en venir. En gros, on s'était rencontrés à peine une semaine avant, puis il y a eu un genre de scène ouverte... À la fabuleuse cantine. Ouais, la fabuleuse cantine, la cité du design. Et on venait de se rencontrer au conservatoire à Saint-Etienne, et ils ont voulu jouer du coup ce morceau, Pagan War, du coup, qui était instrumental. Et en bon ami que je suis, ils m'ont dit, ça te dit, tu montes sur scène avec nous, tu fais ce que tu veux, t'improvises n'importe quoi et on voit... Et en fait, c'est parti de ça, le fait que j'ai rejoint le groupe, c'est que ça leur a bien plu ce que j'ai fait. Bien, ouais. Pourtant, c'était très aléatoire. C'est très aléatoire, ça. Mais c'est dans vos premières compos en plus aussi de metal. Ouais, et du coup, ça a matché. Et puis au final, on a un peu réarrangé les morceaux pour y mettre de la voix, peu à peu. Puis maintenant, c'est composé pour de la voix aussi, du coup. Oui, complètement. Ouais, et vous avez. C'est vrai que extrait de ces 3 morceaux, tout avait été composé en instrumental, du coup. Non, Seven a été écrit pour... Pour le coup, dans cette EP, il n'y a que Pagan War qui avait été écrite en instrumental. D'accord, ah oui. Les deux autres, du coup, Blood Roots et Seven, avaient été composés en pensant à la voix, du coup. Ok, et du coup, toi, en tant que chanteur, est-ce que ça t'arrive de modifier un petit peu les riffs ou les parties de guitare ou d'arrangement pour laisser plus de place à ta voix ? C'est pas tellement moi qui l'ai fait, on y réfléchit plus tous ensemble en se disant peut-être que là ça manque de place pour la voix ou peut-être que là machin, et puis en fait on réfléchit à tout ça ensemble plutôt, en général. Est-ce que toi-même tu joues de la guitare ou d'un instrument pour arriver à t'appuyer au niveau de la voix? Ouais, complètement, je suis multi-instrumentiste, du coup je fais surtout beaucoup de clavier, mais j'ai commencé par le saxophone, après guitare et basse je m'y suis mis aussi, donc ça va, j'ai de mes repères aussi. Okay, et ça, je pense que, mine de rien, avoir un peu de connaissances, ne serait-ce que piano ou même guitare ou autre, pour un chanteur, ça peut lui permettre, ne serait-ce que poser quelques accords pour arriver à trouver son rythme et la mélodie de sa voix également, quoi. Ouais, complètement, complètement. Ok, et donc en tout cas, merci à vous d'être venu passer l'émission ce soir. Je pense qu'on a diffusé de la bonne musique, même si l'un des ordinateurs a été un peu récalcitrant aujourd'hui. On a quand même arrivé à meubler, on avait de quoi faire. En tout cas, on rappelle une dernière fois du côté de la zone à Saint-Étienne, anciennement le Goodies. C'est le quartier de 18 rue du Mont, la zone à côté de la Gueule Noire. Ah oui, le quartier de la Gueule Noire, et on est du côté de Bellevue. C'est ça, tout à fait. Exactement. Et donc Chestown en compagnie de Bender qui nous viendra de Marseille et qui joue une musique plutôt psyché. Psyché punk, ouais, complètement. D'accord, donc ça devrait être une bonne soirée, une double release party. Et semaine prochaine, en bière, là, pas très loin de Rouen, vous retrouverez le Myocastor Party avec les groupes Camisole K, Shotgun Logic, Obsessed et Heart Attack Genocide. Donc là aussi, ça devrait être une excellente soirée. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement, d'être venus nombreux. Et puis, quels sont les projets immédiats de Chestown ? Pour le moment, on a quelques dates en mai. On a du coup la release party, on joue aussi le 17 mai du côté de Suril-Comtal à côté d'Andrézieux. Ah oui. On va avoir une date à Annecy aussi, au Brise-Glace, en compagnie de Vertex du coup. Ah ouais, cool. Et on va jouer aussi pour le festival universitaire du campus de l'UJM, de l'Université Jean Monnet. D'accord. Mais c'est vrai que dans l'immédiat, là, on cherche aussi beaucoup de dates. Et on a aussi pour projet de faire un deuxième EP. Donc déjà, l'enregistrement a tout été calé en amont. Vous avez les titres, vous savez un peu où est-ce que vous allez. C'est ça, exactement, parce que déjà, rien que sur scène, d'ailleurs, si demain ça vous intéresse de venir à la zone, on en a pour à peu près 1h20 de set, entier avec, évidemment, exclusivement que des compositions originales. Donc on a de quoi faire, en tout cas, oui, pour un deuxième EP. C'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, d'avoir des sonorités un peu plus progressives, tout ça qui sont un peu aussi l'essence du groupe. Donc voilà les projets pour cette année. Ok, bah en tout cas, merci à vous. Demain soir, on le rappelle. Hein, et Suril-Comtal, là aussi, ce sera donc 17, samedi prochain, c'est ça? C'est ça, ouais. Tout à fait. C'est à l'occasion d'un tremplin organisé par le Volcanic Fest. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce Volcanic Fest? Alors, c'est un nouveau festival qui commence à se monter, qui sera programmé pour 2026. Ouais. Et du coup, ils organisent un tremplin et le gagnant du tremplin pourra jouer sur la main stage. À l'occasion de ce festival. Et ce sera de quel côté ce fest, hein, du coup? Ce sera normalement du côté du Rhône ou de la Loire, si je dis pas de bêtises. Okay. Ouais, Rhône-Alpes. Mais on n'a pas trop d'informations. D'accord, donc ça encore secret. C'est ça. Du côté Volcanic Fest, ça fait un peu plus les volcans d'Auvergne. C'est pas faux, ouais. Ah oui, oui. Donc en tout cas, on saura relayer l'information. Chestown tout de suite, merci à vous et on se quitte au son de Pagan War. Mm-hmm.